Après, la semaine dernière, on s'était arrêté sur les magazines électroniques. On avait vu un exemple d'ING qui était finalement relativement, on va dire, simple en matière de contenu et de qualité de contenu, vu que vous aviez quelques articles avec à chaque fois un texte relativement court et quasi systématiquement une vidéo d'illustration. Un autre exemple maintenant, que j'ai la possibilité de vous montrer. Je vous dis tout de suite, il n'existe plus. Ils ont décidé de le supprimer il y a quelques mois pour mettre en place une nouvelle stratégie qui n'est pas encore évaluée. Donc ça, ce sera pour vos collègues de l'année prochaine. On pourra leur expliquer si ça fonctionne ou non. C'est le magazine interne de Belfius, ou c'était, puisqu'ils l'ont supprimé. La différence que vous avez là, vis-à-vis de ce qu'on a vu la semaine dernière, vous avez aussi une série d'articles, d'accord, mais à la différence de l'autre modèle qu'on avait vu, vous voyez que chaque article, simplement en glissement de souris, vous avez directement une petite accroche de ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Donc ça permet directement de voir, ok, ça m'intéresse ou non, je rentre dedans ou je ne rentre pas dans ce document. Vous voyez que vous avez aussi une série de rubriques, comme ils les appellent. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rubriques récurrentes, comme vous pouvez trouver dans différents journaux, magazines, et qui vont revenir systématiquement pour fidéliser le lecteur. Hein, si on regarde par exemple les statistiques que Belfius avait par rapport à ce magazine, mais la rubrique giveaway, qui est une rubrique cadeau, est celle qui avait le taux de lecture plus important. Pourquoi? Parce que le lecteur ou les membres du personnel entraient dans la rubrique, on va espérer que ça fonctionne et non. Pourquoi pas? J'ai peut-être pas pris le bon fichier. Voilà. Donc, on rentre dans la rubrique, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez gagner un bongo et il vous suffit pour ça de répondre à la petite question qui se trouve en bas. Évidemment, pourquoi ce type de rubrique est fait dans des magazines électroniques? C'est parce que la réponse à la question va se trouver ailleurs dans le magazine. Et donc c'est un moyen de fidéliser le lecteur et de le pousser aussi à aller chercher l'information. Puisque derrière, il peut effectivement gagner quelque chose. Donc ça, retenez, dans le côté interactivité des magazines électroniques, voire même des intranets, le côté concours, pas forcément gratuit, donc avec les réponses à l'intérieur, peut s'avérer intéressant. Vous voyez aussi un dossier qu'ils vont retrouver à chaque fois, et des vidéos. Après, si on va à l'intérieur de leurs articles, vous voyez que c'est à chaque fois une fenêtre qui s'ouvre et c'est nettement plus long que ce qu'on a vu chez ING. Très honnêtement, c'est même beaucoup trop long. D'accord? Mais ça faisait partie de leur culture d'entreprise jusqu'il y a peu, de donner quand même beaucoup d'informations puisqu'ils avaient, suivant les sujets, quand même des taux de lecture importants et chacun de leurs articles est fait comme ça, mais vous voyez qu'ils essayaient quand même de travailler une mise en page illustrée, aérée. Dans les rubriques, jouer parfois avec un peu d'humour aussi. Donc, ils avaient mis en place une petite rubrique humoristique de ce qui se raconte au coin café, entre deux tasses de café. fait, leur humour, ça leur appartient. Et un dossier qui, lui, va être encore plus long que les articles. Donc ça, ce sont vraiment pour les personnes qui veulent se plonger dans la lecture et qui ont besoin d'informations beaucoup plus précises là-dessus. D'accord ? Donc, c'est un autre modèle que celui qu'on a vu la semaine dernière. Je vous ai montré quelques newsletters aussi. Dans ce type de produit, il n'y a pas une règle uniforme. D'accord ? Chaque société va construire ce qui lui convient en fonction de sa culture, en termes de fréquence, en termes de type d'écriture, de dimension. Par contre, ce qui est important pour vous, si vous devez travailler avec ce type de média, c'est de quand même l'installer comme un vrai magazine, même si c'est électronique, même si c'est du web-based. Donc, ça veut dire d'installer une régularité, une fréquence de parution, des types de rubriques qui reviennent régulièrement, une segmentation en articles qui va revenir régulièrement aussi. Tout ça, pourquoi ? Pour fidéliser le lecteur. Ça va ? Ça, avec ce dernier exemple, ça clôt le côté magazine électronique en termes d'outils. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme média à notre disposition dans l'entreprise pour la communication ? On a vu les magazines papier, électronique, on a vu tout ce qui est print, on a vu le magazine électronique. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser ? Intranet. Qu'est-ce que c'est un intranet pour vous? Alors, on va dire que c'est un site web privatif. Par contre, on va déjà l'étendre et aujourd'hui, on ne va plus parler de site intranet pour une entreprise, mais on va parler de portail. Pourquoi ? Qui a déjà vu un intranet d'entreprise ? C'est bien ça. Et alors, vous en pensiez quoi ? C'était sexy ? Non. Non ? C'est con, ça. Pourquoi c'était pas sexy ? Pourquoi c'était pas sympa ? On parle de look and feel, hein, on est bien d'accord. C'est pas très recherché, c'est très basique, quoi. C'est très basique. Donc, explique un peu, développe, dans quel sens c'est basique ? Bah, dans le sens où ils ne cherchent pas vraiment du design. Genre, c'est vraiment, ils donnent l'info, mais sans plus, ils n'essaient pas de la mettre dans une forme un peu attractive ou un peu ludique. C'est vraiment telle rubrique, genre annonce et tout, contact. Et puis, Oui. Les autres, même avis, ou vous avez vu d'autres choses? Ah ben, l'objectif, évidemment, ce n'est pas de vendre quelque chose, c'est d'être efficace. Hein. Si vous vous rappelez le champ de la communication qu'on a vu au tout début sur les deux axes, on se situe clairement dans de la com opérationnelle. Donc, on doit être dans de l'efficacité et de l'efficience d'information. Est-ce que pour autant, on ne peut pas avoir quand même une mise en forme, une mise en page qui soit un peu attractive et sympathique ? Ben, ce serait mieux. Donc, on peut le faire. Et il y a des entreprises qui le font. C'est évidemment très difficile à vous montrer puisque la particularité d'un intranet, c'est que comme c'est interne, on n'a pas d'accès depuis l'extérieur, sauf avec des codes que je n'ai pas, évidemment, pour toutes ces entreprises. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui font quand même une recherche pour améliorer les choses, pour faire en sorte que ce soit quand même plus attractif pour y inclure des illustrations, de la photo, de la vidéo. Mais tout ça demande du travail. C'est aussi un métier ou différents métiers qui doivent travailler ensemble pour y arriver. Donc pour avoir un intranet qui soit à la fois performant, mais aussi avec un design suffisamment attractif, retenez bien, la première règle, c'est de ne pas le laisser dans les mains des informaticiens. Oui, je n'ai rien contre les informaticiens, je m'entends très bien avec eux, on peut parfois aussi bien se disputer de temps en temps, mais eux, la communication, ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est le code, c'est de faire en sorte que les tuyaux fonctionnent, que les réseaux fonctionnent. C'est pas leur métier, ça. Donc il faut une vraie collaboration avec eux pour qu'ils comprennent que la mise en forme de cette communication est aussi importante. D'accord ? Or, malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'entreprises jusqu'il y a peu, ben, quand on décidait de mettre un intranet en place, ça venait essentiellement, on allait poser la question, on allait demander au département IT de le mettre en place. Et on oubliait tout l'aspect mise en page, attractivité, structure de l'information, parce que la structure de l'information pour la retrouver, c'est important aussi. Ceux qui ont déjà eu accès à des intranets dans leur stage, j'imagine que c'était dans ce cadre-là, est-ce que vous trouviez facilement l'information dont vous aviez besoin ? Non ? Pourquoi ? Il y avait beaucoup de catégories. Enfin, il fallait vraiment faire connaître déjà tout, les différents onglets pour vraiment savoir où trouver l'information. Et du coup, au départ, dans les deux stages, j'avais vraiment dû m'expliquer parce que. C'était pas intuitif. Non, c'était pas. C'était pas logique. Or, ça peut l'être. On peut avoir une logique par département. On peut avoir une logique fonctionnelle, on peut avoir une logique hiérarchique, c'est pas impossible. Mais il faut la penser, évidemment. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'un portail intranet, aujourd'hui, c'est plus compliqué à mettre en place qu'un site internet ? Sur internet, vous naviguez tous les jours, vous avez peut-être déjà mis des sites en place vous-même, avec WordPress ou d'autres types d'outils. Qu'est-ce qui devient plus complexe au niveau d'un intranet ? Ouais, mais en soi, comme c'est fait, oui, c'est un vrai problème, je suis d'accord. Maintenant, comme c'est en circuit fermé, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. À partir du moment où on a fermé les portes extérieures, tant qu'il n'y a pas un petit malin qui les ouvre, ça va. Mais quel va être votre plus gros problème, votre plus grande difficulté ? Vous n'avez pas d'idée ? Il y avait beaucoup d'informations sur les intranets où vous étiez ? Oui ? Suivant la taille de la société ou sa structure, un portail intranet va contenir des quantités d'informations que vous n'imaginez pas au départ. Bien plus qu'un site internet où vous avez ce qu'on va appeler quelques pages écran ou défilantes. Des portails intranet sont même beaucoup plus complexes que les sites de vente en ligne où vous avez des catalogues de produits. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce que vous imaginez. Si vous prenez le portail intranet de sociétés comme Belfius ou la dimension de Belfius, le portail intranet, c'est des dizaines de milliers de pages écran. Parce qu'il y a l'information que toute l'entreprise a besoin d'avoir, comme celle que vous avez vue, des répertoires de mails, de téléphone, des listes de mails, mais aussi les règlements RH, les formulaires de demande de congé, de demande de formation, pour des temps pleins, pour des temps partiels, etc., etc. Et vous avez ça pour tous les départements. Les informations de stratégie, les tarifications de produits et de services, des descriptions de procédures d'évacuation d'un bâtiment ou d'accès quand vous venez travailler le soir ou le week-end, etc., etc. Donc ce sont des quantités d'informations phénoménales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un intranet qui soit efficace, vous devez absolument penser à sa structure en collaboration avec les informaticiens. Sinon, vous perdez énormément de temps, comme certains d'entre vous en ont déjà fait l'expérience, et ce temps coûte cher. Multiplier 5 minutes de temps perdu par jour par personne dans une entreprise de 1000 personnes, ça fait plusieurs temps pleins par jour qui sont perdus, consommés pour rien. D'accord ? Donc ça, ce sont les calculs que vous pouvez faire pour montrer que ça peut rapporter aussi, ou du moins vous faire faire des économies, d'avoir des bonnes structures au niveau de ces portails. Aujourd'hui, vous avez aussi une nouvelle donne qui vient se mêler à ces portails intranet. Ce sont les espaces collaboratifs. Qu'est-ce que vous connaissez comme espace collaboratif ? Informatique, on va s'en dire. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté ? Vous avez tout ce qui est Google Documents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez tout ce qui est réseaux sociaux qu'on peut appliquer à l'intérieur de l'entreprise. À nouveau, en circuit fermé. Vous avez tout ce qui est les chats qu'on peut mettre en place. Vous avez la création de communautés, de groupes de travail dans les entreprises qu'on peut mettre en place avec ça aussi. D'accord ? Donc, ça vient se mêler au portail intranet. Pourquoi ? Parce que finalement, on va donner à l'employé accès à toutes ces informations à partir de cette même porte d'entrée. D'où à nouveau ce besoin de structurer un minimum les choses pour que vous ayez un travail efficace. Et les services de communication interne ont un rôle important à jouer là-dedans. Pourquoi ? Pour éviter que se passe aujourd'hui dans les entreprises ce qui s'est passé maintenant dans la société. Vous avez entendu parler des suites aux élections américaines, des bulles sur Facebook et compagnie, donc du fait qu'on est orienté et finalement amené dans une communauté de partage d'informations qui nous intéresse. Si on commence à faire la même chose à l'intérieur des entreprises avec le même type de médias, on va arriver à la même chose. Donc le rôle de la communication interne là-dedans va être de continuer à diffuser une information générale pour garder cet esprit d'entreprise qui est quand même indispensable puisque tout le monde est censé bosser dans la même direction, mais aussi pour animer les différentes communautés et faire en sorte qu'elles s'ouvrent régulièrement à d'autres informations que celles qui les intéressent a priori et qui ne concernent qu'elles-mêmes. Sinon, le risque est qu'on reproduise le travail en silo, hein, vous savez, on a déjà parlé de ça, qu'on le reproduise au niveau des portails de partage d'informations, et ça ne va rien arranger. On va créer d'autres types de silos. Au lieu d'avoir des silos par département en hiérarchie, on va avoir des silos de communauté par intérêt ou groupe de travail. Ce n'est pas intéressant non plus. Il faut qu'il y ait quand même une porosité de ces différentes communautés. Tout ça est seulement en train de se mettre en place, hein, d'accord ? Donc des entreprises qui travaillent réellement dans cet esprit-là, mais ils y viennent petit à petit, parce qu'il y a les questions de sécurité à régler, parce qu'il y a les questions de structure à régler, parce qu'il faut voir qui, comment va animer ces différents groupes de travail. Donc ça veut dire, aujourd'hui je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous dire ce que ce sera dans 5 ans, mais on assiste probablement, ou on va assister, à une forme de transfert où dans quelques années, on parlera peut-être plus de communication interne, mais de relations internes, d'animation de relations internes. Parce qu'on va travailler avec ces plateformes collaboratives. Ça va ? Des questions ? Alors, pour vous donner une idée un peu plus précise, comme malheureusement en matière d'intranet, je ne sais rien vous montrer. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les résultats d'une étude qui a été faite sur tout ce qui est intranet et communication digitale dans les entreprises. Il faut juste que je retourne là-dessus. Bien, alors, quelques informations de contexte. Ce sont des données françaises, donc c'est une enquête qui a été faite en France. On verra dans deux minutes quelle a été la taille de leur échantillon, comment ils ont travaillé. D'accord. Pourquoi en France, pourquoi je vous présente des données françaises? Parce qu'en Belgique, on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Ou on a des données tellement fragmentées qu'on ne parvient pas à se faire réellement une idée de ce que ça peut être. Par contre, on sait historiquement qu'en Belgique, on est toujours relativement proche aussi de ces données-là, et en tout cas en Belgique francophone. D'accord ? Donc on peut extrapoler les résultats qu'on va voir au niveau de cette enquête par rapport à notre pays. Okay ? La seule différence qu'on va avoir, et qui de toute façon n'est pas présente dans l'enquête puisqu'il ne pose pas la question, ce sont les problématiques de multiculturalisme et du fait que en Belgique, on est dans des entreprises où c'est francophone, néerlandophone et encore toute une série d'autres. Ok, c'est une enquête qui a été réalisée en 2015. C'est la dernière. Ils font cette enquête tous les deux ans. Donc on peut s'attendre normalement à avoir des résultats actualisés cette année. Ça, vous irez voir auprès de l'Observatoire de l'Intranet et de la stratégie numérique si de nouveaux résultats sont publiés dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà. Alors, les quelques indications de chiffres sur le plan de la méthodologie, vous voyez, environ 350 personnes ont répondu, 16 entreprises du CAC 40, donc assez grosses sociétés, toute une série d'autres. Vous voyez, ça correspond sur ces 350 répondants à environ 5 millions de salariés, ce qui est quand même pas mal. Et que ce sont des personnes qui, pour 75% des cas, avaient déjà répondu aux enquêtes précédentes. Donc, ils ont quand même un suivi qui permet de présenter les évolutions des dernières années. Alors, vous voyez la répartition, ici plus précise, en matière de type d'entreprise. Donc, 16% dans l'industrie, 52% dans les services et 32% dans les services publics. Voilà. Et vous avez à côté les dimensions d'entreprise. Vous voyez qu'on est quand même, on va dire, majoritairement dans des entreprises de moins de 1000 personnes. Donc on a un échantillon qui est quand même relativement bien réparti au niveau des tailles d'entreprise. Vous voyez qu'ils ont posé des questions aussi à l'international, ils ne se sont pas limités à la France. On est assez peu représenté, si je ne m'abuse, oui, 3,5% d'entreprises belges qui ont été interrogées. Pourquoi on arrive à ça? C'est aussi parce que vous avez des entreprises qui sont implantées en France ou qui ont des représentations importantes en France, mais qui sont aussi logées dans d'autres pays. Donc, on arrive à ce type de répartition et de résultats. Vous voyez, et ça c'est quand même une indication qui peut être intéressante pour vous, pour le type de travail que vous risquez de devoir faire en communication interne, il y a quand même plus d'un tiers des répondants qui sont des entreprises qui ne sont plus dans un seul pays, qui ont un rayonnement international, qu'il soit plus faible ou plus important, donc c'est quand même une donnée importante à connaître. Les résultats, on va aller dans le détail au niveau de la synthèse. Alors, première question, quelle est la structure de votre dispositif numérique de communication et d'information? Je vous rappelle, on est bien sur une enquête de communication interne et des intranets. Alors, vous voyez, regardez les colonnes en bleu, l'enquête de 2015, 65% parlent d'un intranet unifié. Qu'est-ce que ça veut dire unifié? D'après vous? C'est moi, tous les employés qui non seulement c'est le même, mais ça veut dire qu'il y a aussi des différences qui sont ramenées ensemble. Donc c'est le portail dont je vous parlais tout à l'heure. S'ils parlent intranet unifié, ça veut dire qu'à un moment donné, ils en ont eu plusieurs et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait tout ramener à une même structure. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez énormément d'informations dans les entreprises et il y a eu une vague dans les années, on va dire, de 2000 à 2010 où de plus en plus de départements ou de services dans les entreprises disaient « Oui, mais moi j'ai besoin de mon intranet rien que pour moi, rien que pour mon service, parce que j'ai plein de choses à partager à mes collègues ou mes collaborateurs et ça n'intéresse pas du tout les autres. » Et on n'a pas résisté à cette vague, ou du moins on l'a laissé se développer sans directement penser à l'unification, du moins au niveau de la porte d'entrée, du portail. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce type de résultat aujourd'hui, et que depuis quelques années, on part quand même, on a cette tendance d'aller vers les intranets unifiés. Vous voyez qu'il y en a quand même encore à peu près un quart qui ont plusieurs intranets. Et tendance qui ne semble pas évoluer positivement, vous en avez qui ont des intranets accessibles par portail institutionnel, ça veut dire accessible depuis l'extérieur, mais avec des accès probablement limités suivant le type de public. Donc ça donne bien la tendance qu'on parle de portail intranet. Alors, ça c'est aussi une question intéressante. Est-ce que vous avez déjà restructuré, refondu complètement votre intranet? Vous voyez que c'est assez réparti, mais globalement, on va se dire qu'entre 0 et 2 refontes complètes, ça correspond à peu près à chaque fois à un bon quart de répondant. Ce qui montre qu'il y a cette réflexion et ce besoin de faire évoluer ou de travailler la structure des intranets en fonction des besoins de l'entreprise. D'accord ? Alors, il faudrait qu'on ait aussi des statistiques sur beaucoup plus que simplement 2 ans pour voir comment ça a évolué. Mais les enquêteurs, eux, disent sur base d'autres données qu'ils ont qu'effectivement, mais il n'y a plus tellement d'entreprises qui n'ont jamais fait aucune refonte. Bon, ça correspond bien à ce besoin d'évolution. Ça, c'est peut-être un des slides les plus intéressants pour vous. Quels sont les métiers qui publient des contenus dans vos intranets ou sur votre portail intranet ? Les métiers, autrement dit, on peut traduire ça aussi par les différents services qu'il y a dans l'entreprise. Et qu'est-ce que vous voyez ? Bien, en numéro 1, c'est la communication. C'est le département de communication interne qui va publier un maximum ou le plus d'informations. Assez logiquement, vous trouvez derrière les ressources humaines. Ensuite, le département informatique, ça a une certaine logique aussi, puisqu'on est dans une phase de digitalisation relativement profonde de toutes les entreprises, hein, y compris dans l'industrie, on va essayer de digitaliser un maximum. Voilà, après je ne vais pas tous vous les citer, vous voyez que ça commence à décroître entre direction générale, formation, documentation, marketing, etc., etc. Par contre, ce qu'on peut voir dans la tendance, ici sur ces 2 années, c'est que la communication interne en soi, même si elle est numéro 1, publie un peu moins. Là où toute une série d'autres commencent à publier nettement plus. Et pas n'importe lesquelles, d'accord ? La direction générale publie plus. La formation, la documentation, l'organisation, le développement durable, les comités d'entreprise. Donc, c'est autant, Ici, on parle de métier, mais ça veut dire que ce sont autant de sujets aussi qui sont aujourd'hui importants dans les entreprises et dont il faut parler, parce que s'ils le font, c'est que ça correspond aussi à un besoin à l'intérieur. D'accord ? Ce n'est pas anodin. Voir ce type de graphique, ça vous dit aussi automatiquement, ben, si tous ces métiers publient, ce n'est pas que la communication interne qui gère tout le contenu d'un portail intranet. On est bien d'accord, ce n'est pas possible, même si vous êtes dans une grande entreprise et que vous êtes une équipe de 4-5 personnes en com' interne, vous ne savez pas gérer la totalité de l'intranet. D'accord ? Comment est-ce qu'on fonctionne alors ? Si on veut que ce soit un minimum coordonné ou animé, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, comment ça va fonctionner ? Est-ce que vous allez pouvoir laisser le département logistique publier tout ce qu'il veut sur l'intranet ? Oui ? Ok, c'est une façon de faire. Ça peut être un peu lent parfois. S'il faut demander une permission, attendre la réponse. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre solution ? Oui ? Alors ça peut être une deuxième solution, effectivement, que les différents départements écrivent leur article, leur communication, et puis l'envoient à la communication pour publication. Vérification, publication, donc ça se fait aussi. Maintenant, dès que vous êtes dans une échelle importante, dans une grande entreprise, ça devient juste pas possible pour la com interne. Hein. Imaginez la quantité de documents, c'est comme si vous demandiez au rédacteur en chef d'un grand journal de lire la totalité des articles avant qu'ils soient publiés. Ce qui n'arrive évidemment pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors comme solution ? Mais c'est de travailler en réseau. D'accord ? Donc, c'est une des techniques les plus efficaces, c'est que la communication interne va dire, ok, dans chacun des départements importants ou des services importants, j'aimerais qu'on me désigne ou on me nomme un interlocuteur de communication interne. Et cette personne, on va la former. On va la former à l'écriture efficace, on va éventuellement la former à du layout minimum si on veut un intranet qui ressemble un peu à quelque chose, et on va lui donner des accès au portail intranet. Autrement dit, ces personnes, parce qu'elles sont désignées, et elles ont été formées et sont suivies, ont la possibilité de publier directement sans devoir systématiquement demander l'autorisation de la communication interne pour publier. Et ça, ce sont des systèmes qui fonctionnent, et ça a l'avantage aussi pour la com interne de se créer un réseau de correspondants ou de communicateurs internes qu'elle fait vivre, qu'elle suit, c'est une véritable communauté, et pour la com interne, c'est aussi un peu les oreilles de l'entreprise ou le thermomètre pour savoir un peu ce qui se passe. Ça peut être aussi une manière de déterminer ensemble, mais tiens, par rapport à tous ces sujets qui sont intéressants, si on a une structure de portail de plus généraliste et puis vers différents services, quelles informations mettons dans quelle rubrique, dans quelle section, dans quel onglet, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va travailler ensemble sur la structuration de l'information. Et ces méthodes de travail vont aussi vous aider si vous avez à un moment donné une refonte de votre intranet, pardon, parce que vous avez déjà une équipe, parce que vous avez déjà des personnes qui sont sur le terrain et qui connaissent les besoins de leurs collègues en matière d'information. On va donc pouvoir vraiment collaborer pour faire évoluer et construire des structures qui sont intéressantes pour tout le monde. Ça va ? Des questions là-dessus ? Non. Quel type d'informations sont proposées sur l'intranet? Ça aussi, c'est une question intéressante. Numéro 1, l'actu. C'est assez logique. Numéro 2, c'est assez logique aussi, les informations RH. Vous pouvez être sûr que dès qu'il y a un article sur intranet où on parle du salaire, de la prime, du bonus, des éco-chèques, des chèques repas, etc., ça a un indice de lecture très important. C'est logique, ça intéresse le personnel. Si on va parler des périodes de congé, de modifications dans le règlement de travail, etc., tout ça va venir au numéro 1. Mais après, vous voyez, c'est procédure administrative. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Et puis, les informations sur les projets commencent à venir plus loin derrière. Après, je ne vais pas vous faire le détail du reste. Vous voyez que c'est un peu étonnant. Mais informations sur les clients et partenaires, ça vient en dernier. Ça ne vous choque pas? On a énormément d'informations pratiques et des infos sur les clients à la fin. Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est peut-être pas destiné à tout le monde, les émotions. Enfin, ceux qui ne travaillent pas directement avec les clients, ils n'ont pas spécialement besoin de connaître. Dans l'absolu, je suis entièrement d'accord avec toi. Si vous travaillez dans un service de support, un service logistique, ou vous êtes même au RH, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe au niveau client. Mais, oui? Oui, mais enfin, dans les autres sujets, tu peux avoir de l'information confidentielle aussi. Ah, cela semble logique par rapport aux autres, à l'autre analyse que vous avez montré, donc le tableau juste avant, où on voyait carrément la direction qui communiquait beaucoup moins. Je pense qu'il y avait 10% de différence. Oui. Donc il y a vraiment un haut de pyramide qui veut moins communiquer, et il y a une communication qui est plutôt verticale au niveau du management, ce qui empêche en fait l'information de passer. Je pense que c'est des informations qui veulent tenir. Alors, effectivement, ça correspond encore à une certaine verticalité de l'information. C'est lié aussi, si vous vous rappelez, je vous ai déjà donné l'un ou l'autre exemple d'enquête que j'effectue chez différents clients, où très souvent, on voit que les membres du personnel sont en demande de plus d'informations stratégiques, de savoir où on va, de savoir quel sens donner à leur action. Et donc, c'est un peu lié à ça aussi. Mais en soi, ça n'est pas normal. Si vous êtes d'accord et que vous partez du principe que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, on bosse normalement avec le même objectif, d'accord ? Si vous travaillez chez Colruyt, je suis désolé, c'est pas Deleuze, c'est Colruyt. Ben, vous avez quand même le droit à un minimum d'informations sur les clients parce que c'est la finalité. C'est ça qui donne du sens à votre boulot, même si vous travaillez au RH et que vous ne voyez jamais un client de votre vie. Mais sinon, vous créez une distance trop importante entre le travail de toute une série de collaborateurs et la finalité de votre entreprise ou de votre organisation. D'accord ? Donc, même si on peut expliquer ce chiffre, je vous invite à considérer que ce n'est pas vraiment normal. C'est pas ça qui va aider une organisation à avancer avec un esprit ou une culture d'entreprise globale et qui va donner réellement du sens à l'action de tous les membres du personnel. Je vous avais présenté, je pense, il y a quelques semaines, le nouveau plan stratégique de la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce que la Croix-Rouge a fait par rapport à ce genre de choses. Donc, vous savez, la Croix-Rouge, c'est environ 1200 salariés et 15 000 volontaires, donc bénévoles. Les volontaires avaient un journal et ont toujours un journal, un magazine papier qu'ils reçoivent tous les trimestres. Mais les salariés ne l'avaient pas. Donc eux, qui étaient globalement les services de support, stratégie, tête pensante, finance, etc., étaient complètement déconnectés des volontaires et du terrain. Ben, il y a un nouveau directeur qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an. La première décision qu'il a prise, c'est de dire, ce journal-là, on le distribue aussi aux membres du personnel salarié. Il n'avait pas eu besoin d'enquête, il avait tout de suite compris le gap que ça faisait entre ces membres du personnel et les autres. Ça va ? Donc, ne soyez prudents avec ça, ne considérez pas cette donnée-là comme étant tout à fait normale. Alors, ça c'est aussi intéressant dans les types de contenus qu'on va trouver sur l'intranet. Documents, qu'est-ce que c'est ? Ben, le plus souvent, ça va être un PDF, hein, ou d'autres types de formats, mais le PDF est quand même plus universel aujourd'hui. C'est en numéro 1. En numéro 2, c'est vraiment le texte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, les intranets qu'on a vus, ils ne sont pas forcément très séduisants. C'est l'efficacité avant tout. Mais vous voyez quand même que les contenus visuels, c'est en augmentation. Vous voyez aussi que les contenus vidéo sont en forte augmentation. D'accord ? Les autres, on ne va pas en parler, c'est un peu moins important. La vidéo, on n'a pas les chiffres 2017. Je peux, avec presque 95% de certitude, vous dire que dans l'enquête suivante, la vidéo sera encore plus haut. Pourquoi ? Parce que dans le même type d'enquête qui est faite aux Pays-Bas, je vous dispense de vous, je ne vais pas vous présenter une enquête en néerlandais, rassurez-vous, mais dans cette enquête qui a été faite en 2016 aux Pays-Bas, pour la première fois, la vidéo est passée devant les autres. Et c'est une tendance générale, c'est une tendance que vous voyez aussi au niveau d'Internet, de toutes les personnes qui créent leur propre chaîne YouTube, des différents blogueurs, etc. Donc, de plus en plus, on va utiliser ce type de média. Et on va l'utiliser aussi parfois de manière mixte. Donc, quand je dis mixte, c'est ben, on le fait pour de la com interne, mais ça peut être intéressant pour de l'externe aussi. Donc, on va aussi le poster à l'extérieur. D'accord ? Donc, tenez compte que c'est en croissance. Pourquoi ? Parce que à la fois les moyens de production sont devenus plus simples et un peu moins coûteux, et les moyens de diffusion sont devenus aussi nettement plus faciles qu'auparavant. Voilà. On aura l'occasion de parler encore de vidéo un peu plus tard. Alors, niveau d'appropriation des intranets dédiés à la publication d'informations dans l'entreprise. Vous voyez que des entreprises qui n'ont pas d'intranet, c'est relativement marginal. On peut dire que globalement, ce sont les toutes petites structures où en soi, il n'y a peut-être pas besoin de ça si on est 3, 4, 5 dans l'entreprise, dans un même bureau, où on ne doit peut-être pas encore travailler avec ce type d'outils. Maintenant, vous voyez que ceux qui ont des outils mis en place et où la consultation est, on va dire, de ponctuelle à régulière ou très régulière, c'est quand même en augmentation aussi. D'accord ? Donc, ça devient indispensable dès qu'une structure est un peu plus importante. Alors, ici c'est aussi intéressant parce que c'est une question qui finalement va traiter un peu de des procédures de la façon dont on va utiliser cet intranet ou le portail. Et donc, on pose la question, est-ce que vous avez formalisé les procédures de contribution, entendez les procédures de contribution à l'intranet? C'est en augmentation aussi, non plus la moitié des cas, oui. Charte éditoriale, ça pourrait encore peut faire mieux, on dirait. Procédure de validation pour publication, ben vous voyez que il y en a quand même pas mal qui l'ont fait aussi, et puis on diminue un petit peu dans le pourcentage des personnes qui ont formalisé ces éléments. Globalement, à nouveau, je peux vous dire à travers d'autres contacts que j'ai que les autres éléments, la tendance va remonter dans les années qui viennent. Parce qu'on est obligé de former, comme on va encore multiplier ces outils avec les plateformes collaboratives, on va être obligé de formaliser un petit peu pour que les gens s'y retrouvent. Sinon, vous vous faites, ce que moi j'appelle aujourd'hui, vous vous faites convoquer systématiquement à des réunions, par exemple, parce que tous les agendas étant partagés, ben, on voit que vous êtes disponible, mais ce n'est pas parce que dans votre agenda, il n'y a pas de réunion inscrite que vous n'avez pas du travail à faire. D'accord ? Donc si on veut éviter des comportements, on va dire, un petit peu particuliers, où des personnes, pour être sûres d'avoir la paix, inscrivent des réunions fictives dans leurs agendas pour ne pas qu'on puisse les inviter à des réunions, ben, il faut mettre en place des procédures pour ce genre de choses comme pour les autres. Alors ça, vous allez me dire, c'est un petit peu plus pour les informaticiens, quoique, en tant que communicateur, vous devez connaître au minimum le nom des grandes plateformes qui se partagent un peu le marché aujourd'hui et de savoir un peu quels sont les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Sinon, ce sont les informaticiens qui vont choisir. Et ils vont faire un choix technique et pas forcément un choix de fonctionnalité. Autrement dit, comment est-ce que cet outil peut évoluer pour faire en sorte que vous partagiez de l'information de manière efficiente et agréable. Vous voyez que numéro 1, Microsoft SharePoint. Vous avez déjà entendu parler de SharePoint? Il me semble que je vous en avais déjà parlé un peu, non? Ça ne vous dit plus rien? C'est une plateforme de partage qui va vous permettre à la fois de créer un intranet, mais aussi qui va avoir une série de fonctionnalités de réseaux sociaux où vous allez pouvoir créer des groupes, forcément parce que toutes les coordonnées, tous les listings d'adresses des collaborateurs de l'entreprise sont dedans, qui va vous permettre de faire de l'enrichissement de documents de type Google Doc, avec parfois des avantages supplémentaires, c'est que si dans Google Doc, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous pouvez travailler à plusieurs dans un même document, là, vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez mettre des limitations. Et vous avez en tout cas une sauvegarde complète de l'historique de toutes les modifications pour éviter de perdre l'information. D'accord ? C'est la plateforme que vous allez trouver majoritairement dans pas mal d'entreprises en Belgique. Solution propriétaire, qu'est-ce que c'est ? C'est des logiciels. C'est du fait sur mesure dans l'entreprise. Vous voyez que ça diminue. Ça va continuer à diminuer. Aujourd'hui, c'est plus possible qu'une entreprise paye une batterie d'informaticiens pour développer des logiciels propriétaires, alors que vous en avez d'autres dont c'est le métier, qui le font et qui vous proposent aussi les updates, les évolutions, etc., etc. Donc, les solutions propriétaires, en tout cas pour les intranets, ça a existé, il y en a eu beaucoup tout un temps, c'est en train de chuter. Je pense que dans les années qui viennent, ça va complètement disparaître. Voilà, après, vous en avez encore une série d'autres, il y en a encore d'autres qui ne sont pas là-dessus. Hein. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, en tout cas sur le plan même mondial, c'est SharePoint qui est numéro 1. Et le numéro 2 n'est pas là-dessus. Et j'essaie de me rappeler le nom, c'est Confluence. D'accord ? Donc si vous faites des recherches sur Internet, vous allez retrouver ces deux-là qui reviennent le plus souvent. Cinq minutes de pause.